بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue les dourous sur l'introduction à l'étude du fiqh. C'est le deuxième dars et le dernier, inshallah ta'ala. Maintenant, on va parler d'une chose importante qui rejoint un peu ce qu'on avait dit dans la première partie. Lorsqu'on avait parlé de la parole de Ibn Qudama rahimahullah dans l'introduction de Umdat al-Fiqh, c'est-à-dire le livre qu'on va étudier, il dit اختصرته حسب الامكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. Ibn Qudama rahimahullah dit dans l'introduction de son livre Umdat al-Fiqh, l'introduction, elle sert à quoi? L'introduction, elle sert à présenter le livre, le sujet du livre, la manière dont il a écrit le livre, Tariqatut Ta'lif, la manière dont il a, voilà, la manière dont il a écrit ce livre-là, et les moyens qu'il a utilisés pour cela. Et là, il dit quelque chose de très important, il dit, je l'ai résumé tant que j'ai pu. C'est-à-dire, c'est un livre résumé, on l'a dit. Et c'est très important, c'est une des bases, une des règles de base au niveau de Talab al-Ilm, c'est commencer par les textes résumés. Ne pas commencer par les textes, les livres longs, on commence par des livres courts. Il dit, et j'ai choisi un avis, hein, et je me suis limité à un avis. Un avis dans quoi? Dans le madhab de l'imam Ahmed, dans l'école de l'imam Ahmed. Et c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. C'est quoi une école? Pourquoi on étudie le fiqh dans les livres des madhab, des écoles? Et pourquoi l'école de l'imam Ahmed est une présentation de l'imam Ahmed et de Ibn Qudama rahimahullah, l'auteur du livre qu'on va étudier. Et il dit fala iltabisu as-sawab 'alayhi bi ikhtilaf wujuh wa riwayat, afin que la personne, surtout l'étudiant en sciences talib al-'ilm al-mubtadi, l'étudiant en sciences débutant, il ne se mélange pas et il ne soit pas dans la confusion à cause, par exemple, de ce qu'on parlait la dernière fois, de la divergence, de se trouver devant la divergence. Alors je vous donne, il y a trois avis sur telle question et je vous laisse comme ça là. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour agir, toi, dans ta vie de tous les jours, au niveau du fiqh, au niveau de tahara, au niveau de l'wudu, au niveau de tayammum, etc., etc. Le premier sujet dont on va parler aujourd'hui, bayan al-haja ila dirasat al-fiqh min al-kutub al-madhhabiyya. On a présenté qu'est-ce qu'était le fiqh, quels sont usul al-ahkam, les bases sur lesquelles les règles de la sharia sont basées, particulièrement dans les questions de fiqh. Et on a parlé de l'ahkam al-taklifiyya, les règles qui sont liées à la personne responsable. Hein? Pourquoi on étudie le fiqh selon les livres des madhahib, contrairement à ce qu'ils font certains contemporains? On a dit, tamtazu kutub al-fiqh al-madhhabiyya bi mizatani at-tadarruj wa at-tarjih. Les livres de fiqh dans les madhahib, dans les écoles, contrairement aux livres contemporains, comme par exemple le fiqh sunnah, ou d'autres livres qui ne suivent pas une école en particulier, bien que par exemple Fiqh Sunna va plus vers l'école du Shafi'i, et apparemment, même si je n'ai pas connaissance de ce livre à part ce que nous ont rapporté certains de nos professeurs, le Fiqh al-Islami ou Adillato, je pense qu'il s'appelle comme ça, un Syrien qui s'appelle Wahb al-Zuhayli, qui va plus vers le madhab Hanafi. L'essentiel, ce sont des livres très grands qui présentent à chaque fois la divergence sur plein d'avis. Cet avis-là, ce livre-là, il n'est pas traduit. Donc, les livres, par contre, d'El Madhab, et particulièrement du madhab de l'imam Ahmed, puisque c'est celui-là qu'on va étudier, et particulièrement les livres de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, ils ont une particularité. La première, c'est Tadarruj, et le deuxième, c'est Tarjih. Tadarruj, c'est quoi? C'est qu'il t'enseigne par étapes. D'accord? التدرج في عرض المادة الفقهية وقد ذكرنا في الموضوع السابق أن كتب المذاهب ثلاثة أقسام قسم خاص بالمبتدئين ويذكر القول الراجح في المذهب وقسم خاص بالمتوسطين ويذكر الخلاف داخل المذهب نفسه مع بيان الراجح وقسم خاص بالمتقدمين ويذكر الخلاف بين المذهب وبين غيره من المذاهب مع ترجيح قول المذهب عادة وهذا القسم ما يسمى بالفقه المقارني في اصطلاح المعاصرين والطالب بحاجة إلى هذا التدرج في الدراسة للتيسير والتحصيل ولتحصيل أقصى ما يمكن تحصيله من المادة الفقهية وهذه المزية هذه هي الميزة الأولى. Le fait d'enseigner par étapes, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens dans les écoles de fiqh, et on va présenter, les écoles de fiqh, ils écrivent généralement des livres qui sont sur trois niveaux. Le premier pour les débutants, dans lequel ils ne présentent qu'un seul avis, qui est l'avis le plus juste à l'intérieur du madhhab. C'est exactement l'exemple, c'est exactement le livre qu'on étudie là, Umdat al-Fiqh. Umdat al-Fiqh. La deuxième sorte de livre, Al-Mutawassitin, un livre pour, qui a un niveau, des livres pour des gens qui ont un niveau intermédiaire. Ces livres intermédiaires, ils présentent la divergence au sein du madhhab, au sein de l'école, parce qu'il faut savoir qu'il y a des divergences au sein de l'école. Encore une fois, comme on l'a dit la première fois, il faut pas non plus agrandir la divergence et en faire un but en soi ou en faire une norme, c'est-à-dire que les ulama, alhamdoulilah, ils ont pas divergé en tout. Mais on l'a vu, on le voit dans lorsqu'on étudie le fiqh, il y a beaucoup de ijma'at, on ramène beaucoup de ijma'at. Il y a beaucoup de choses qui font unanimité. Et des fois le khilaf, il est pas sur des questions essentielles, sur les usul, sur les choses, les bases et les choses essentielles, il y a pas de khilaf en général. Donc les livres pour les gens qui ont un niveau intermédiaire, ils ramènent les divergences au sein du madhhab en donnant al-rajih, l'avis le plus juste à l'intérieur du madhhab. Le meilleur exemple de ces livres-là, c'est un autre livre de l'imam Ibn Qudama qu'on cite souvent dans l'explication, qui est al-kafi fi madhhab al-imam Ahmad. Al-kafi, littéralement le suffisant, celui qui suffit dans le madhhab. Imam Ahmed. C'est le même auteur qu'on présentera par la suite, Ibn Qudama, qui l'a écrit. Mais il a écrit même un autre livre antérieur qui s'appelait le Muqni'. Il a même quatre livres de fiqh. Il a écrit quatre livres de fiqh. Chacun pour un niveau différent. Umdat al-Fiqh pour les débutants, Al-Muqni' pour les gens qui ont un niveau intermédiaire où ils citent deux avis dans le madhab, Al-Kafi dans lequel ils citent trois avis dans le madhab, et ensuite celui que tout le monde connaît, Al-Mughni, Sharh Mukhtasar al-Khiraqi, qui lui présente les divergences, et c'est ça le troisième niveau. C'est quoi? Le troisième niveau, c'est un livre qui est pour elle, Al-Mutaqaddimin, les gens qui ont avancé dans l'étude du fiqh. C'est-à-dire, en fait, qui ont passé les deux niveaux précédents. Et ces livres-là présentent les divergences entre toutes les écoles. Et la vérification est al-rajih, l'avis le plus juste. Et comme il le dit l'auteur ici, ce qu'on vient de citer, on citera la référence après, généralement, oui, l'avis le plus juste, al-rajih, il le tire du madhab, à l'intérieur de leur école de base. Et ça peut arriver, bien sûr, qu'ils sortent de l'école, comme le fait Ibn Qudama dans son livre, et c'est le meilleur exemple au niveau du troisième niveau, qui est al-mughni, qui est l'explication d'un livre qui s'appelle Mukhtasar al-Khiraqi. Al-Mughni ashbah ma yakunu bil mawsu'ati al-fiqhiyya. Hein? Ça ressemble à une encyclopédie, en fait, de fiqh. Il te ramène toutes les paroles, les dalils, etc., etc. Comme al-Muhalla, par exemple, d'Ibn Hazm, de même. Qui, lui, est dans une école qui s'appelle al-Zahiriya, al-Madhhab al-Zahiri. Quant au deuxième aspect, au deuxième intérêt qu'ont les livres de madhhab, الترجيح في الأقسام الثلاثة المذكورة أعلى سواء كان هذا الترجيح والصواب الموافق للكتاب والسنة أم لا. والترجيح يجعل الطالب يخرج من الكتاب الذي درسه بقول واضح في كل مسألة، بخلاف الكتب التي تعرض أقوال المذاهب دون ترجيح، فهذه تلقي الطالب في حيرة ويخرج من دراستها مشوش الفكر. Ça, on en a parlé la dernière fois. Les livres de madhhab, la particularité, c'est qu'il y a un tarjih, il te donne un avis clair. Et on a dit, même dans l'explication, c'est ce qu'on fait. On ramène un avis clair avec son dalil. Non? C'est ça qu'ils font les livres résumés dans le madhhab, ce qu'on appelle les mutun. Alors que les livres contemporains, par exemple, Fiqh Sunnah, dans beaucoup de chapitres, je déconseille, ils donnent juste les avis divergents. Et il dit, ici, l'auteur, il dit quoi? La personne qui va étudier ces livres, c'est-à-dire les livres qui donnent plein d'avis divergents et qui suivent pas un madhab en particulier, Il va laisser l'étudiant dans le hira, dans la confusion. Il va pas savoir où il en est. Il te donne trois avis. Vas-y, maintenant, débrouille-toi. D'accord? Et il sort, mouchawish el-fikr. Il sait pas où il en est. Et ça fait des toulab el-ilm, on a déjà parlé la dernière fois. S'ils sont sincères, c'est des gens qui, sincèrement, ne savent pas où ils en sont. Tu lui parles de n'importe quelle question de fiqh, comme on a vu certains de nos frères, jazakumullah khair, ils se reconnaîtront. Quand on parlait d'une question de fiqh, ils disaient, fi khilaf. Il y a une divergence sur ça. Oui, il y a une divergence sur ça, mais ça nous avance à rien, là. On est là, au stade où tu dis, cette question-là, divergence, ça t'avance à rien. C'est comme un ami, vraiment, comme vraiment une personne du commun. D'accord? Mais maintenant, c'est quoi le rajih? Ou à la limite, c'est quoi le qawl d'un madhhab en particulier, celui que tu as étudié? Tout cela, ça prouve l'importance d'étudier le fiqh dans les livres des écoles. Ça, c'est dans Al-Jami'a fi Talib Ilm al-Sharif, safha 80 wa 700, la page 780. Qu'est-ce que c'est un madhhab? On va pas s'étendre sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est un madhhab? On entend souvent parler des quatre écoles. Des fois des cinq écoles. On a l'impression, et on va en parler à la fin, par rapport au ta'assub al-madhhabi, on a l'impression que ces quatre écoles, on va dire, c'est quasiment quatre sharia différentes. Les gens, on a l'impression, quand ils parlent de ça, ils parlent de quatre sharia différentes. Comme quoi, il y a la sharia d'un prophète, a'oudoubillah, qui s'appelait Abu Hanifa, la sharia d'un prophète qui s'appelait Malik, Shafi'i, Ahmed, etc., etc. Ça, c'est faux. Faut s'enlever ça de la tête. Une école, c'est quoi? C'est tout simplement que, après les sahaba, à la génération des tabi'in, et particulièrement tabi'in, il y a des gens qui ont été connus, shtuhiru, bita'lim al-ilm. Ils ont été connus pour enseigner l'ilm. Et les gens, ils revenaient à eux pour la fatwa. D'accord? Et ça, il y en avait plein. Il n'y avait pas que ces quatre-là. Il y en avait plein. Chaque ville avait plusieurs muftines. Parmi les gens qui ont montré cela, il y a Ibn Qayyim, rahimahullah, au début de son livre, I'lam al-Muwaqqi'in. On va pas encore une fois rentrer dans les détails. Ces gens-là, ils ont eu des élèves. D'accord? Et ces élèves-là, après leur mort, ils ont commencé à rassembler leurs paroles. Encore une fois, ces imams-là, ils n'ont pas eu de révélation, rahimahumullah. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ce qu'on a dit dans le dars précédent. Kitab, ils regardaient l'ahkam. Sunnah, ils regardaient l'ahkam. Al-Ijma', ils regardaient. Qawl al-Sahaba, ils regardaient. Al-Qiyas, pour certains, ils regardaient, ils en sortaient l'ahkam al-fiqhiyya. D'accord? Et de ces compréhensions de ces imams sont sortis les madhahib. Une fois qu'ils sont morts, leurs élèves ont rassemblé des livres avec, entre guillemets, leurs avis. D'accord? Mais tous leurs avis, encore une fois, ils sont basés sur les bases, sur la révélation d'Allah. C'est pas, vous comprenez ce que je veux dire par là. Et finalement, au cours des temps, les écoles qui ont, comment ça s'appelle, qui ont, entre guillemets, survécu, je fais vraiment un résumé, tarikh al-tashri', l'histoire de la législation islamique, les écoles qui ont survécu, ce sont ces quatre. Certaines pour des raisons politiques, c'est-à-dire quoi? Al-Khalifa, à une époque, il a pris un madhhab en particulier. Et comme le khalifa, il a pris un madhhab en particulier, il a nommé des qudhat, des juges de ce madhhab. D'accord? Donc ce madhhab, il s'est développé. Forcément, il y a eu un développement. Ils ont écrit, ils ont cherché, ils ont jugé, les gens leur ont demandé des fatwas, ces fatwas ont été compilées, les livres ont été étudiés, enseignés, etc., etc. D'accord? Et à la fin, on a eu quatre. Et c'est vrai que ces écoles, elles se sont répandues dans des endroits géographiques. Par exemple, dans certains endroits, il y a des endroits où, par exemple, le Maghreb, où c'est l'école de l'imam Malik, rahimahullah, qui a été répandue par des élèves, et les gens, à la fin, ils ont étudié, les qudhat étaient malikiyya, etc., et donc, le madhhab maliki est resté. En Andalousie, il y avait plusieurs écoles. Il y avait des malikites, mais il y avait aussi des shafi'iyya, et il y avait aussi des zahiriyya, à l'époque d'Ibn Hazm, mais même avant. Il y a des gens qui remettent en cause le qiyas. Ce qu'on va dire, entre guillemets, une cinquième école. Voilà. Quant au madhhab de l'imam Ahmed, qu'on cite souvent le quatrième, pourquoi? Parce que c'est tout simplement de manière, on dit le quatrième, pourquoi? Parce que chronologiquement, c'est le dernier qui est mort de ces quatre imams connus. D'accord? Qui est l'imam Ahmed? L'imam Ahmad, il est né en 164, en 164 de l'Hijra, de l'Égypte. Et il est mort en 241 de l'Hijra. 164, il est mort en 241. Et son nom, c'est Abu Abdullah, donc le père d'Abdallah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, donc Ahmad ibn Hanbal, en résumé, Al-Shaybani. Il est né à Bagdad. Rahimahullah. Il est né à Bagdad, en Irak. نسأل الله يجعلها عاصمة الخلافة الإسلامية على منهج النبوة. طلب العلم صغيرا ثم رحل في طلبه إلى الشام والحجاز واليمن وسمع من سفيان بن عيينة ولازم الإمام الشافعي مدة إقامته ببغداد وما زال يجد ويجتهد حتى بلغ الذروة في حفظ السنة والإحاطة بها حتى أصبح إمام السنة في عصره من غير منازع حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خرجت من بغداد وما خلفت فيها أتقى ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل il a commencé à étudier la science dès son plus jeune âge et il a voyagé pour chercher le hadith, talab al hadith et pour chercher la science. On a déjà parlé, inshallah on essaiera de faire un dars khas, de refaire un dars khas sur les règles de talab al-ilm, de l'étude de la science religieuse bien sûr, et l'importance de rihla fi talab al-ilm, du fait de voyager pour chercher la science, et que l'asl c'est dans surat al-kahf, c'est ce qu'a fait Moussa alayhi salam lorsqu'il a voyagé pour rencontrer le Khidr. Il a donc voyagé dans les pays, il était de l'Irak mais il est allé au Sham. Il est aussi allé au Hijaz. Le Hijaz, c'est quoi? Mecca, le Médina, Jeddah, à notre époque. Et au Yémen, Yémen, pour rencontrer l'imam Abdel Razak ibn Humam al-San'ani. Il a entre autres entendu de l'imam al-Kabir, Soufiane ibn Uyayna. Et il est resté avec l'imam al-Shafi'i tout le temps qu'il est resté à Bagdad. Et ça, c'est une autre faïda. Les imams sont élèves les uns des autres. Hein? Al-Shafi'i est l'élève de l'imam Malik, rahimahullah, et Ahmed est l'élève de Al-Shafi'i. Et par exemple, d'autres imams, Abu Daoud est l'élève de Ahmed ibn Hanbal. Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, le livre le plus connu qu'il a écrit, c'est pas un livre de fiqh, c'est un livre de hadith, Al-Musnad. وقد انتقاه من أكثر من 750 ألف حديث كان يحفظها. Ils disent qu'il a choisi son musnad de plus de 750 000 hadiths qu'il connaissait par cœur. 750 000 hadiths qu'il connaissait par cœur. Et de ces hadiths qu'il connaissait par cœur, bien sûr, il y avait du sahih, du da'if, etc., etc. Il a choisi et il a composé son musnad. Et le musnad, il a été écrit d'une certaine manière, contrairement à Al-Bukhari, Muslim ou d'autres livres, c'est qu'il est classé par sahabi. Par exemple, il va commencer par les hadiths. Il va rassembler dans un chapitre, par exemple, tous les hadiths rapportés par Abu Bakr al-Siddiq. N'importe quel thème qu'ils ont. Le thème, c'est pas classé par thème ou par chapitre ou par science particulière. C'est classé par compagnon. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui le donne, ce qui le rend très peu abordable. Il y a très peu de gens, même dans cette Ummah, on veut dire, qui maîtrisaient le Musnad de l'imam Ahmed. Comme on l'a entendu de certains de nos mashaïrs, comme quoi, peu de gens connaissaient, maîtrisaient le Musnad. Parmi eux, il y avait Majduddin ibn Taymiyyah, le grand-père de Ibn Taymiyyah al-Mashhour, Ahmed ibn Abbas, son grand-père. Et parmi eux, il y avait aussi Al-Hafid ibn Kathir, sahib al-Tafsir. Et de même, dans son tafsir, vous voyez souvent qu'il commence par les hadiths qui sont dans Al-Musnad. Il cite le isnad qu'il y a dans le Musnad. Et ensuite, il le ramène à Al-Bukhari ou Muslim. Wa kutiba min aqwalihi wa fatawi akthar min 30 sifra wa jama' al-Khallal nususahu fi al-Jami' al-Kabir. فبلغ نحو 20 سفرا وكان في فتاويه شديد التحري لفتاوى الصحابة فيما لا نص فيه حتى إنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين جاء عنه في روايتين. Voilà, c'était cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il parle de l'imam Ahmed et il dit « وَكَانَ بِهَا إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ الَّذِي مَلَأَ الْأَرْضَ عِلْمًا وَحَدِيثًا وَسُنَّةً » Il y avait, c'est-à-dire à Bagdad, l'imam des gens de la sunna, de manière générale, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a rempli la terre de science, de hadith et de sunna. « حَتَّى إِنَّ إِمَّةَ الْحَدِيثِ وَالسُنَّةِ بَعْدَهُ هُمْ أَتْبَعُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » Et tous les savants du hadith après lui sont ses suiveurs jusqu'au jour de la résurrection. وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَدِيدُ الْكَرَاهَةِ لِتَصْنِيفِ الْكُتُوبِ Et qu'Allah l'agrée, l'imam Ahmed, il détestait le fait de composer des livres. وَكَانَ يُحِبُّ تَجْرِيدَ الْحَدِيثِ Et il aimait au contraire quoi? Le fait de rapporter des hadiths. Ça veut dire quoi? C'est très important au niveau pour comprendre même, on va dire entre guillemets, la personnalité même, on va dire pour utiliser un mot actuel, la psychologie des salafs. Contrairement à la psychologie des gens en Occident ou des gens à notre époque, malheureusement, même pas qu'en Occident, il faut parler beaucoup, il faut écrire beaucoup pour être considéré, d'accord? Beaucoup réfléchir, beaucoup parler, beaucoup philosopher, d'accord? Les salafs, c'est exactement le contraire. Des gens comme l'imam Ahmed al-Bukhari, ou même plus avant, parmi les tabi'in, ils écrivaient peu. Et ils ne parlaient que de ce qu'il y avait dans le livre et dans la sunna. Ils philosophaient pas. Leur livre, il n'y a pas de « j'ai dit, je pense que, on va voir que, et le raisonnement implique que, quoi que ce soit, non, quoi. »« قال Allah, قال رسول الله, وقال الصحابي الفلاني والتابع الفلاني » Allah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tel compagnon, à la limite, il a dit, ou il a compris, tel tabi'i, sans le retrouve. Mais par exemple, c'est Sahih al-Bukhari, regardez, jetez un œil dedans. « Kitab, sunna » et certaines paroles de salaf, d'accord ?« Mu'atta l'imam Malik » Tous les livres qui ont été écrits à cette génération. Et l'imam Ahmed, il était comme cela. Il détestait le fait d'écrire les livres. Et particulièrement le fait que ses élèves écrivent sa parole à lui. Et il n'acceptait d'eux, comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, wa yakrahu an yaktuba kalama. Et il détestait que ses élèves écrivent ses paroles, c'est-à-dire ses fatwas, quand il lui posait une question. D'accord? Il aimait que ses élèves ne rapportent de lui que le hadith. فعلم الله كسك دي ابن القيم continue فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل Et Allah a vu la bonne intention de l'imam Ahmed. Et malgré qu'il ait interdit, les élèves, ses élèves ont écrit ses fatwas. Et ils en ont rassemblé plus de 30 volumes. Plus de 30 volumes. Et la plupart nous sont parvenus. La parole est de Ibn al-Qayyim, mais en notre époque, la plupart des fatwas de l'imam Ahmed nous sont parvenus. وَجَمَعَ الْخَلَّالَ نُصُوصَهُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فَبَلَغَ نَحْوَ 20 سِفْرًا أَوْ أَكْثَرَ Il dit comme quoi, Al-Khalal, c'est un des plus grands imams de ce madhab, Abu Bakr Ahmed ibn Muhammad al-Khalal, qui est mort en 311 de l'Hijra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé dans plein d'endroits pour aller voir les élèves de l'imam Ahmed, et rassembler les paroles de l'imam Ahmed. Et il en est arrivé à 20 volumes. 20 volumes. وَرُوِيَتْ فَتَاوِهِ وَمَسَائِلُهُ وَحُدِّثَ بِهَا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ فَصَارَتْ إِمَامًا وَقُدْوَةً لِأَهْلِ السُّنَّةِ الْاخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ حتى إن المخالفين لمذهب بالاجتهاد والمقلدين لغيره لا يعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة. Et dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, l'essentiel, Al-Khalal, il a rassemblé les fatwas de l'imam Ahmed par ses élèves, puisqu'il n'a pas rencontré directement. Je rappelle Al-Khalal, Abu Bakr Ahmed ibn Muhammad Al-Khalal, il est mort en 311 de l'Hijra. Ils ont rassemblé ces fatwas. Ibn al-Qayyim dit rahimahullah, jusqu'à ce que même les gens qui ne le suivent pas, c'est-à-dire des autres madhaib, reconnaissent comme quoi la valeur des fatawa de cet imam, c'est-à-dire l'imam Ahmed rahimahullah. Et il va dire quelque chose qui est le plus important pour nous. Il dit quelque chose et il dit وَيَعْرِفُونَ لَهَا حَقَّهَا وَقُرْبَهَا مِنَ النُّصُوصِ فَتَاوَ الصَّحَابَةِ Et ils reconnaissent, même les gens qui ne sont pas de son madhab, comme quoi les fatawa de l'imam Ahmed sont très proches des textes de la sharia, c'est-à-dire Qur'an, sunna, et des fatawa des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'on étudie aujourd'hui le madhab de l'imam Ahmed. C'est parce que c'est un des madhahib qui, même au fil des temps, est resté le plus proche, l'un des plus proches de la sunna et du dalil. Et il dit Ibn Qayyim rahimahullah, wa man ta'ammala fatawahu wa fatawa as-sahaba ra'a mutabaqata kulli minhuma 'ala al-ukhra wa ra'a al-jami'a ka'annaha takhruju min miskatin wahida hatta inna as-sahaba idha ikhtalafu 'ala qawlayn ja'a 'anhu fi al-mas'alati riwayatan. Et il dit, et celui qui médite sur ces fatawas de l'imam Ahmed et les fatawas des compagnons verra qu'elles sont semblables et qu'elles se ressemblent. Tout cela, car elles sortent d'une même lampe ou d'une même lumière, c'est-à-dire la lumière de la prophétie. C'est-à-dire qu'il base ses fatawas sur le Coran et le Sunna. Et cela va jusqu'au fait que quoi ? Une shiddat ittiba' al-sahaba, qu'il suivait beaucoup les compagnons, comme quoi, s'il trouve deux compagnons qui divergent sur une question, eh bien, il va citer les deux avis des compagnons, par respect. Après, on l'a déjà vu dans le dars précédent, les fuqaha, ils cherchent, une fois que les sahaba divergent, ils cherchent le plus proche du Coran et de la Sunna. Ça, c'est dans I'lam al-Muqi'in, al-Mujallad al-Awwal, safha 23, 23, volume, al-I'lam al-Muqi'in, le volume 1 de Ibn Qayyim, donc la page 23. Donc, les imams de ce madhab, bien sûr, on a cité l'imam Ahmed ibn Hanbal. Un point important, qu'on va citer de manière résumée, qui pousse les gens au respect de l'imam Ahmed, et c'est pour ça qu'il a été nommé imam al-Sunnah. On va le citer de manière résumée. C'est qu'à l'époque du calife Abbaside al-Ma'moun, jusqu'au calife Mutawakkil, les gens de l'innovation parmi le Jahmiya ou le Mu'tazila ont pris le contrôle du califat. D'accord? Ils l'ont trompé et ils l'ont poussé à imposer à la Umma une parole de kufr qui est la croyance, on a déjà parlé de la création du Coran. Fitnatu khalq al-Quran. Le calife, il a été convaincu et on va dire manipulé par les innovateurs qui se sont introduits à sa cour et qui l'ont poussé à imposer cette parole-là, qui est une parole de mécréance, encore une fois, au fait que le Coran n'est pas un attribut d'Allah, qui n'est pas une partie d'Allah, on pourrait dire, un attribut d'Allah, un sifa, mais qu'il est une création, d'accord? Et ils ont imposé cet avis-là, comme on dit, par le fer et le feu, c'est-à-dire en persécutant toute personne qui leur résistait, qui continuait à dire la parole de la sunna. Et les ulema, malheureusement, beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont faibli. Et ont faibli et on dit que le Coran était une création sous la contrainte. Certains ont été emprisonnés, certains ont été torturés. Parmi eux, l'imam Ahmed ibn Hanbal qui a été torturé, frappé, jusqu'à ce que, comme c'est rapporté, la peau de son dos est morte, tellement qu'ils l'ont frappé. Il a été frappé, mais malgré tout, il a résisté et il a continué à dire que le Coran était la parole d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas que la Umma s'égare. Et il a patienté pendant de longues années sur cette question-là, jusqu'à ce que les khulafa ou les umara qui ont été infectés par cette bid'a mukaffira, par cette innovation de mécréance, soient morts et que la sunna soit rétablie. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed rahimahullah et nul autre est appelé aujourd'hui imam ahl sunna. Et on aimerait que les gens à notre époque qui suivent l'imam Ahmed dans son madhab demande à Allah qu'il les affermisse comme il a affermi l'imam Ahmed rahimallahu ta'ala fil mihna. Il a sauvé le din. Tellement que les ulama ont dit, en Allah nasara ad-din bi rajulayn. Abi Bakrin, yawm ar-ridda, wa Ahmed ibn Hanbal, yawm al-mihna. Comme quoi Allah azza wa jal, il a sauvé la religion par deux personnes. Abu Bakr as-Siddiq, le jour où les gens ont apostasié à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ahmed, le jour, pendant les périodes de l'épreuve, c'est-à-dire pendant cette période-là que je viens de citer, parce que la mécréance a failli se répandre, et le fait de dire que le Coran n'est pas un attribut d'Allah a failli se répandre à la Umma. Et d'autres gens ont sauvé, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ont suivi le chemin de cet imam, parmi Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a fait face aux soufis, et aux chiites à son époque, et aux tatars, al-kafara, qui a fait face à eux, et qui s'est tenu seul quasiment avec ses atba' dans ces épreuves-là. Et de même, Allah Azza wa Jal, il a sauvé le din, et on en parlera plus en profondeur, Inch'Allah, par l'imam al-Mujaddid, Abu Ali Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, alors que la terre était quasiment remplie de shirk, que le shirk était pratiqué sur toute la terre quasiment, sauf une petite partie. L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab seul, il a fait le tour des tribus dans la péninsule arabe, il a fait le tour de la péninsule arabe pour que les gens retournent au tawhid. Et pour que les gens reviennent à la religion d'Ibrahim alayhi salam et au tawhid enseigné par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que, en période d'épreuve, en période d'innovation et de fitna, Allah, il envoie toujours quelqu'un pour défendre son din parmi les ulama, les rabbaniyin, ou parmi les mujahidin, ou parmi ces gens-là. Et c'est l'implication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Il restera toujours un groupe de ma communauté qui seront apparents sur le haq. Ce hadith, il a rapporté dans Bukhari Muslim au rêve. Essentiel. Parmi les grands imams de ce madhhab, de cette école-là, et on le répète, les écoles, c'est pas des législations différentes. Et la ta'if, parmi les choses importantes, si vous continuez, inshallah, dans l'ilm, et pour certains, vous êtes arrivé à un niveau, mashallah, c'est de quoi? C'est que, une fois que la personne, elle a étudié le fiqh, elle a étudié un matn de la manière que le faisaient les anciens, étudié un matn, un texte résumé dans un madhhab. Après, quand il cherche dans n'importe quel livre de fiqh, le fiqh, il sera ouvert devant lui. D'accord? Pourquoi? Parce que le fiqh, c'est le fiqh. Et une fois que tu as étudié l'ahkam, et que tu as cherché dalil dans ta première étude, après n'importe quel madhhab que tu lis, ça va être clair devant toi. Il y a des termes un peu différents dans les madhhabs, mais de manière générale, cette sharia, elle est une, c'est la sharia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Pas comme ils disent certains, je suis maliki, maliki, tu leur apportes un hadith, on verra l'implication de ces paroles, c'est extrêmement grave. Parmi les grands imams de ce madhab, Abu al-Qasim Umar ibn al-Hussein al-Khiraqi, rahimahullah ta'ala, al-Khiraqi, il est mort en 334 de l'Hijra. C'est l'un des premiers qui a établi le premier matn dans le madhab. Et ce matn, ce texte court, il porte son nom, jusqu'à maintenant on l'appelle Mukhtasar al-Khiraqi, le résumé de al-Khiraqi. Et parmi les énormes imams de ce madhhab, c'est lui dont on étudie le livre à notre époque, Ibn Qudama, son nom entier c'est Muwafaq ad-Din, Abu Muhammad, Abdallah ibn Ahmad, Ibn Qudama al-Maqdisi al-Jamma'ili, thumma al-Dimashqi al-Salihi. Et il est mort en 620 de l'Hijra. Abu Muhammad, Abdallah ibn Ahmad, Ibn Qudama. Il est mort en 620 de l'Hijra. Son histoire, elle est intéressante. On va vous citer une faïda qu'on a entendue de certains mashaykh de la péninsule arabe. Il présente Abu Muhammad ibn Qudama, une chose très importante dans son histoire. C'est l'imam al-Zahid al-Mujahid, Sheikh al-Islam, Ahad al-A'lam, Muwafaq al-Din, Abu Muhammad, Abdallah ibn Ahmed, Muhammad ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Il est né. Il est de la descendance de Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi. Il est de la descendance de Umar. Dhurriya Mubaraka, inshallah. Il est né en 541 de l'Hijra. Et il est né dans un village qui s'appelle Jamma'il, près de la ville de Nablus, en Palestine. Naplouse, on dit en français. Naplouse. لما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة فهاجر والد الموفق بأسرته إلى دمشق حوالي سنة 51 و 500 هجرية ونزلوا في مسجد أبي صالح ظاهر الباب الشرقي ثم انتقلوا بعد سنتين إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق وكان الموفق خلال هذه المدة مشتغلا بحفظ القرآن ومبادئ العلوم ومتون المذهب ومنها مختصر الخراقي. C'est très important. Quand il avait 8 ans, Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire donc en 549 de l'Hijra, les croisés, ils ont pris le contrôle de la Palestine. La croisade, les chrétiens, les haqidines, ils ont pris contrôle de la Palestine. Qu'est-ce qu'il a fait son père? Il a fait l'Hijra. Malgré qu'ils étaient en Palestine, qui était une terre sainte, quand les chrétiens ont pris le contrôle de la Palestine, ils ont fait le hijra. vers Dimashq, qui elle était sous l'autorité de l'islam. Et certains chouyouks disaient que c'est cette hijra qui a mis une baraka dans la famille d'Ibn Qudama, si bien que Ibn Qudama était un alim. Et parmi sa famille, il y a plein de ulama. Son cousin, Al-Hafidh Abdel Ghani Al-Maqdisi, un énorme savant du hadith. Le fils de son oncle, si je me souviens bien, son cousin donc aussi, Qadi Al-Qudha Shamsuddin Abdurrahman Ibn Abi Omar, un grand savant du Madhab, un élève d'Ibn Qudama, etc. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette hijra, Allah il a mis une baraka d'im dans cette famille. Et il y a une autre personne plus tard, un des savants du Najd, qui est dans la même position, c'est Sulayman ibn Sahman, rahimahullah. Son père, c'était un muhajir. Son père, chaque fois que les mushrikines, parmi les chiites et les ottomans, ils prenaient le contrôle d'un endroit dans le Najd, ils faisaient le hijra. Ils partaient ailleurs. Et de cette baraka-là est sorti son fils, Sulayman ibn Sahman, qui est un des plus grands savants du Najd dans son époque, qui a de nombreux livres et de nombreuses fatawas, qui étaient très fermes dans le tawhid, et dans l'opposition aux mouchriquines, et entre autres dans le hijra et ces questions-là. On demande à Allah Azza wa Jal, ayyuwaffiqana lil hijra, qui nous a fermé sur cette question-là. Ibn Qudama, rahimahullah, pendant ce temps, comme il est dit dans sa biographie, il était, dans son plus jeune âge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris le Coran par cœur. Et ça fait partie des caractéristiques de Ahl al-Ilm. On demande à Allah qui nous a fermé dans cela, c'est le fait d'apprendre le Coran par cœur. Et il apprenait par cœur les bases des sciences et les moutoun, donc c'est le purée de matn, c'est ce qu'on vous dit tout le temps, les textes courts du madhab. Et entre autres, il a appris par cœur Mukhtasar al-Khiraqi, comment ça s'appelle, le livre dont on a parlé. Ils apprenaient par cœur les livres de fiqh, résumé. Ça continue à se faire, alhamdulillah, à notre époque. Hifz al-Mutun, ça fait partie des caractéristiques des salafs dans l'apprentissage de la science, comme quoi ils apprenaient par cœur les moutoun. Parmi ces caractéristiques de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, et on le cite en fait, Tarajim Ahl al-Ilm, les biographies des savants, les étudient pour ça aussi, pour nous inciter à Talib al-Ilm, pour nous inciter à l'étude de la science et de comprendre de qui on prend l'ilm. Et après, quand tu étudies l'Umda, ou quand plus tard tu liras dans le Mourni, inshallah, ou dans le Kafi, avant, tu auras envie de lire. Pourquoi? Parce que tu connais la valeur de ces hommes-là. Parmi ses caractéristiques, c'est que c'était un zahed, c'était un ascète. Il n'avait que faire de la vie de ce bas monde et de toutes ces choses-là, là, futiles. Ils nous disent dans sa biographie, wa kana yaqra fi kulli yawmin wa layla sab' al-Qur'an. Et il lisait chaque jour et chaque nuit le septième du Qur'an. C'est-à-dire qu'il lisait le Qur'an en une semaine. En une semaine, il finissait le Qur'an, qu'il connaissait bien sûr par cœur. حتى أصبح يعد من كبار أمة المسلمين في العبادة والتقوى والورع والعلم والعمل. Et il a atteint un niveau auquel il n'était pas simplement un savant dans le sens où il avait des connaissances, mais c'était aussi un imam dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de prier la nuit, dans le fait de réciter le Coran, dans les sadaqat, et dans une adoration qui est une des caractéristiques des savants, des salafs et de ceux qui les ont suivis, c'est al-jihad fi sabilillah, puisqu'il a participé au jihad contre les croisés lui-même, dans l'armée de Salah ad-Din. D'ailleurs, on voit que les règles du jihad sont particulièrement développées dans ses livres, particulièrement al-Mughni, Sharh Mukhtasar al-Khiraqi. Et il s'est opposé aux croyances innovées de son époque, comme par exemple la croyance de l'Asha'ira, qui s'était répandue à son époque. Et al-Rafida, qui avait le pouvoir à l'époque, les chiites, la'anahumullah, qabbahahumullah, qui à l'époque avait le pouvoir en Égypte. Donc on voit que son époque n'était pas très éloignée sur ces trois points. Le premier, comme quoi l'Ash'ariya était très répandue à son époque, la croyance de l'Ash'ara, ça avait des croyances innovées parmi les gens qui se prétendent de la Sunna. Deuxièmement, les croisés avaient le dessus sur la Palestine et ils les combattaient. C'est ce qui se passe à notre époque. Les croisés et ceux qui les manipulent parmi la juiverie et le sionisme ont le contrôle sur une bonne partie des pays des musulmans. Et le troisième, wujud al-rafida qabbahahumullah, le fait que les rafida étaient présents et qu'ils avaient une forte autorité. Et à notre époque, c'est quelque chose que les gens de la sunna ne doivent pas du tout négliger. il y a une très forte renaissance du chiisme à notre époque. Et si c'est pas l'ennemi principal, ça peut le devenir. On s'arrêtera sur ça, à travers l'Iran et les chiites au Liban, au Yémen même. Il a écrit de nombreux livres dans l'Aqida, dans l'Adab et dans le Fiqh. Parmi ses livres de l'Aqida, son livre résumé, Lum'at al-I'tiqad, qui a été expliqué par la suite. Une des meilleures explications de notre époque, c'est l'explication de Cheikh Ali al-Khudair, Allahu Asra, dans Zinat, Sharh al-I'tiqad. Il a un livre dans l'Aqida, il a des livres, un livre qui s'appelle, le nom est très intéressant, Tahrim al-Nazar fi Kutub al-Kalam. Tahrim al-Nazar fi Kutub Ahl al-Ahwa wa Risala fi Dhamm al-Ta'wil. Il a un livre sur l'interdiction de regarder dans les livres des gens de l'innovation. Il a un livre qui s'appelle comme ça. Tahrim al-Nazar fi Kutub al-Kalam wa fi Kutub Ahl al-Ahwa, Allahu a'lam. L'interdiction de lire dans les livres des gens de l'innovation. Et on devrait appliquer aujourd'hui au talibé sunni, il doit appliquer ces choses-là à notre époque afin de ne pas s'égarer. Et il a un risala sur le mal du ta'wil, de la fausse interprétation. Et on l'a dit, c'est très important, au niveau de l'étude du fiqh, il a quatre livres dans le fiqh, on va pas répéter ce qu'on a dit précédemment. Un pour les débutants, l'umda. Un pour un niveau plus avancé, l'muqni'. Un pour un niveau encore plus avancé, qui est l'kafi, qu'on cite. Les quatre en général, on les cite. Et un pour le niveau encore plus avancé, qui est le mourni. Le fait qu'on tienne à étudier le fiqh à une école en particulier, dans notre étude, et qu'on remette pas en cause les écoles, ça signifie pas qu'on tombe dans une innovation qui est très répandue, qui est ta'assub, le fanatisme de l'école. À ce propos-là, ابن تيمية رحمه الله تعالى دي وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه. دي ابن تيمية رحمه الله si la personne est connue pour être un suivant, c'est-à-dire dans le madhhab, faire partie du madhhab de Abu Hanifa, ou de Malik, ou de Shafi'i, ou de Ahmed, il cite les quatre, et qu'il voit sur certaines questions que l'école de l'un d'autre que eux, c'est-à-dire une autre école que l'école qui suit lui, est plus forte et qui suivent cette opinion-là d'une autre école, il a fait une bonne chose. Et ça ne remet pas du tout en cause son dîn. Wala adalatu bila nizaa. Il n'y a pas de divergence comme quoi on ne remet pas en cause ni son dîn, ni son adalatu, ni sa, on va dire, sa piété ou sa religion. بل هذا أولى بالحق وحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم. Mais cela est plus vrai et plus aimé à Allah et à son messager صلى الله عليه وسلم qu'une personne qui se fanatise pour une personne en particulier en dehors du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça, il faut pas se fanatiser en disant je suis par exemple Maliki, je suis jamais ou je suis Hanbali, et quoi que tu dises, tu lui ramènes un hadith sahih qui n'est pas dans son école, il va pas le suivre. Ça, c'est interdit. C'est même pire que ça. Il dit كمن يتعصب لمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه. Il dit comme les personnes qui se fanatisent pour Malik, Shafi'i, Ahmed ou Abu Hanifa, et qui voient que l'avis de cette personne en particulier est la vérité, qu'il faut suivre, hein, en dehors de toute autre parole. Il dit, فَمَنْ فَعَلَ ذَهَذَا كَانَ جَاهِلًا ضَالًا. Celui qui fait cela, c'est-à-dire qui se fanatise, il est un ignorant égaré. بَلْ قَدْ يَكُونُ كَافِرًا. Mais il peut même être mécréant. فَإِنَّهُ مَتَ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ وَاحِدٍ بِعَيْنِ مِنْ هَوْلَى الْأَئِمَّةِ دُونَ الْإِمَامِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابُ وَإِلَّا قُتِلْ. Il dit, Ibn Taymiyyah, il continue, mais il peut même être kafir. Car si une personne croit qu'il est obligatoire pour les gens de suivre une personne en particulier parmi ces imams, comme quoi c'est une obligation. En dehors des autres imams, on lui demande de se repentir. S'il ne repentit pas, il doit être exécuté. Ça veut dire quoi? Que c'est un murtad. Pourquoi? Si tu mets à l'égal ton imam et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tashhadu anna Muhammad rasulullah, ou tashhadu anna, je sais pas, Malik, ou a'oudhu billah, c'est du kofr ça, on est d'accord? Donc une personne qui met à l'égal un imam, qui se fanatise, et si tu le ramènes tous les adillahs du monde, hein, qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah? Il peut être kafir. On lui demande de se repentir et il peut être exécuté. C'est le danger de ta'assub al-madhhabi, du fanatisme des écoles. بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العام أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمر. Il dit, le plus que l'on puisse dire, c'est qu'il est mieux ou qu'il convient à une personne qui n'a pas étudié ami, qui fasse le taqlid, qui suive une personne en particulier, sans dire un tel ou un tel. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que la personne qui n'a pas étudié, qu'est-ce qu'il fait? S'il a besoin d'une question de fiqh, il va voir une personne qui a de la science et dans laquelle il a confiance, il lui pose une question, d'accord? Et ensuite, il agit en fonction de sa parole. Et même dans ce cas-là, l'avis le plus juste, c'est que cette personne-là qui l'a posé la question doit lui citer un dalil du Coran de la Sunna. Il dit, أما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان وفلان فهذا لا يقوله مسلم. Il dit, quant à celui qui dirait qu'il est obligé pour les personnes du commun de suivre un tel ou un tel, cela, ça n'est pas la parole d'un musulman. Ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa, al-Mujallad al-Thani wal-Ishroun, Safhat 9400, volume 22, la page 249. Donc, Cheikh al-Islam, Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous explique ici que ta'assub al-madhhabi, le fanatisme des écoles, c'est grave. Et ici, il convient de dire une chose, c'est qu'il y a deux extrêmes à notre époque. Et, tout comme toujours, tarafain wa wasat. Deux extrêmes et un juste milieu. La première extrême, c'est cet extrême-là. Le fait de dire qu'une personne, comme c'est dans certains pays, s'il est dans un pays où les gens sont hanafi, où les gens sont maliki, il doit être maliki. Et il doit jamais sortir du madhhab maliki. Et qu'il doit suivre maliki, je sais pas que ce soit. Et on voit ce qu'il dit Ibn Taymiyyah d'une telle parole. Que les gens qui disent ça se repentent. La deuxième extrême, c'est de dire que les madhhab, ça c'est batel, que les écoles, elles ont aucune valeur. Et que tous les gens des écoles, c'est des suiveurs aveugles. Et qu'il faut ouvrir les portes de l'ijtihad. Et que étudier le fiqh dans les écoles, c'est, je sais pas, c'est une bid'a ou quoi que ce soit. Comme disent certains extrémistes qui se prétendent de la salafia. Ils ne sont pas, mais ils se prétendent de la salafia. Et encore, je sais même pas si vraiment ça se dit à notre époque. Donc ils se fanatisent pour des contemporains dans le fiqh. Hein? Comme les anciens se sont fanatisés pour Malik, Shafi'i, Ahmad et Abu Hanifa, ça c'est le deuxième extrême. Et le juste milieu, c'est ça, c'est d'étudier le fiqh selon les écoles, puisque les écoles, elles existent depuis des siècles, donc ils ont écrit des livres qui sont résumés, comme on a dit, qui ont la particularité de faire tadarruj, c'est-à-dire d'enseigner par étapes. Et au sein de ces écoles, lorsqu'on étudie, on ne se fanatise pas, on cherche le dalil, et on cherche le rajah, et lorsque le dalil devient clair, on suit le dalil et on laisse la parole de n'importe qui face au Qur'an, à la sunna ou même à l'ijma. Et à ce propos-là, قال الشوكاني إذا تقرر لك أن العام يسأل العالم والمقصر يسأل الكامل فعليه يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن العالم بالكتاب والسنة العارف بما فيهما المطلع على ما يحتاج إليه في فهمها من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليه فيسأله عن حادثته طلبا منه ويذكر له فيها ما في كتاب الله سبحانه وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشوكاني dit, s'il est établi que la personne du commun doit demander aux savants et que la personne qui n'a pas étudié doit demander à celui qui a étudié, il faut qu'il demande à ceux qui sont connus pour avoir de la science, qui sont connus pour avoir du din, et qui sont connus pour avoir du wara, c'est-à-dire d'avoir de la crainte pieuse envers Allah, et d'être, comme on pourrait traduire le wara, comme on a traduit certains frères, le wara, je ne me souviens plus. Il lui demande ce qu'il connaît du Coran et de la Sunna, celui qui a la science du Coran et de la Sunna, pardon, qui sait ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, et qui la comprend en fonction des sciences qui aident à cela. Ça veut dire Usul al-Fiqh, al-Mustalah, la langue arabe, etc., etc. Je résume sa parole. Il lui demande à propos d'une chose qui s'est passée, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils veulent du savant? Une personne du commun, qu'est-ce qu'il veut du savant? Il veut qu'il lui rappelle ce qu'il y a dans le livre d'Allah ou dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme solution entre guillemets à ce problème-là donné. D'accord? C'est ça le but de la science et c'est ça le but de l'étude. Je résumais la parole de Shawkani, qui est dans Irshad al-Fuhul, à la page 769 de l'édition d'Ars Salam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين